بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد. Donc on va reprendre, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et attributs divins. Et on s'était arrêté à la première règle, on est toujours sur l'étude de la première règle, concernant les règles liées aux attributs. Concernant les règles liées aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les assises précédentes, on avait fini l'étude de la première partie du livre qui est lié et dédié aux règles concernant les noms. Concernant les noms, donc l'auteur avait mentionné 7 règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur commence à enseigner et énumérer des règles concernant as-sifat, concernant les attributs. Et on a dit que la première règle que l'auteur a mentionnée concernant les attributs est et que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection. Et on avait appris à travers l'étude de cette règle que l'auteur dit aussi bien les textes, les preuves scripturaires ou bien textuelles le prouvent, indiquent cela, aussi bien les preuves rationnelles, al-aql, la raison, indiquent cela, et aussi bien il dit al-fitra, la prédisposition ou bien la nature innée de l'homme prouve et indique cela. Et donc on s'est arrêté sur le passage où l'auteur ensuite évoque le fait que la nature innée aussi, ce qu'on appelle al-fitra, indique cela, que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection, sont des attributs qu'on appelle sifatu kamal. Sifat kamal. Donc on va reprendre lorsque l'auteur dit ensuite, après qu'il ait prouvé que aussi bien les preuves textuelles, scripturaires, ce qu'il appelle al-adillatu sam'iyya, et aussi bien les preuves al-aqliyya, de la raison ou liées au rationnel, prouvent que tous les attributs d'Allah Jalla wa Ala sont sifat kamal, des attributs de perfection. Il dit wa amma al-fitra fa la anna an-nufus as-salimata majbulatun mafturatun ala mahabbati Allah wa ta'zimi wa ibadati wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifati al-kamal al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. وهذا السؤال قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها ولقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. On va déjà traduire déjà cette partie, inshallah, lire la traduction et certains points dans le commentaire que l'auteur donne. Donc en ce qui concerne la nature innée, regardez ce que dit l'auteur. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dans son écrit. Alors il dit, après nous avoir expliqué que les preuves scripturaires, c'est-à-dire les textes, prouvent la perfection, les attributs de perfection, ainsi que l'aql, la raison, il parle maintenant de la prédisposition, ce qu'on appelle al-fitra, la nature innée. En ce qui concerne la nature innée, il dit, souvent traduit par la prédisposition humaine, il dit les natures saines sont prédisposées à aimer, notre traduction relative est rapprochée, exalter et adorer Allah. Or, on aime, on exalte, on adore seulement celui dont on sait qu'il est qualifié par des attributs parfaits, qui conviennent à sa seigneurie et à sa divinité. Lorsqu'un attribut, il dit, est imparfait, dénué ou dénué de toute forme de perfection, il ne peut en aucun cas s'appliquer à Allah. C'est le cas de la mort, de l'ignorance, de l'oubli, de la cécité, de la sourdité et tout ce qui est du même genre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ » Donc regardez, l'auteur commence, en ce qui concerne la nature innée, la prédisposition humaine, qu'est-ce qui prouve cela ? Il dit que en posant la question, il pose la question, les anna an-nufus as-salimata majbulatun maftura ala mahabbati Allah wa ta'zimihi wa ibadatihi. Il parle de des personnes qui ont une raison saine, une nature saine plutôt. Les personnes qui ont une nature saine, majbulatun maftouratun ala mahabbati Allah, leur nature innée qui est saine, elle penche vers l'amour du Créateur et vont vers l'amour du Créateur. C'est ça qui est dit lorsqu'ils disent ils sont prédisposés. Ils sont prédisposés à aimer le Créateur, à aimer Allah, à le vénérer et à vouloir l'adorer. Ici, les termes cités en arabe, c'est al-mahabba wa ta'zim wa al-ibada. Al-mahabba wa ta'zim wa al-ibada. Donc, les êtres qui ont une nature innée saine, alors ils ont une prédisposition qui fait que ils vont vers l'amour d'Allah, le fait de vouloir le vénérer, un yu'azzimu, et le fait de vouloir l'adorer, subhanahu wa ta'ala. Qala, wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man 'alimta annahu muttasifun aw muttasifun bi sifati al-kamal. Et il dit, pourquoi ces natures saine. Ces humains qui ont une nature saine sont prédisposés à aimer le Créateur, à vouloir l'adorer et le vénérer. Pourquoi ? Il dit, comment vouloir vénérer et aimer celui qui ne détient pas les attributs de perfection ? Il dit, cela, ça prouve le fait que si on a une nature innée saine, le fait que l'être humain, il est prédisposé à aimer, à vénérer, vouloir adorer le Créateur, ça prouve que il détient les attributs de perfection. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne peut que vouloir vénérer et aimer et adorer celui qui détient El Kamel. Celui qui détient les attributs de perfection. C'est pour ça qu'il pose la question, il dit « وَلْ تُحِبُّ وَتُعَظِّمُ وَتَعْبُدُ إِلَّا مَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ » Il dit « Est-ce que tu pourrais vouloir vénérer, scander la grandeur et l'immensité et adorer celui qui ne détient pas les attributs de perfection et qui ne détient pas la perfection ?» La réponse est là. Donc si les êtres humains sont prédisposés à aimer, vénérer et vouloir adorer le Créateur, cela prouve qu'il détient les attributs de perfection, comme il lui convient, subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez déjà là, ici, le début du passage, lorsque Cheikh dit, or, on aime, et on exalte, et on adore. Ici, c'est la traduction des trois termes qui sont cités dans l'énoncé, dans les paroles du Cheikh, Mahabbatu wa ta'zim wa la ibada. Mahabbatu wa ta'zim wa la ibada. C'est les trois termes qui sont cités. Maintenant, on comprend mieux lorsqu'il dit or, on aime, on exalte, on adore seulement celui dont on sait qu'il est qualifié par les attributs parfaits qui conviennent à sa seigneurie et sa divinité. Alors il dit de ce fait, lorsqu'un attribut est imparfait, dénué de toute forme de perfection, on ne peut en aucun cas l'attribuer au Créateur subhanahu wa ta'ala, comme on avait appris cela. Et donc, il ne s'applique pas à Allah subhanahu wa ta'ala si l'attribut n'est pas un attribut de perfection. Et donc, il dit, comme par exemple, à titre d'exemple, il a donné des exemples, à titre d'exemple, il dit, l'attribut par exemple de la mort, l'attribut de l'ignorance, l'attribut, par exemple, de l'oubli, de la cécité, de la surdité, et tout ce qui est du même genre. Pourquoi ? C'est des attributs qui dénotent une imperfection. C'est des attributs imparfaits. Et donc, en aucun cas, ils peuvent être attribués au Créateur. Il dit, et là, maintenant, il va citer des preuves, dans un verset du Coran, Allah Azza wa Jal dit « Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut » Et dans une traduction relative du sens de ces versets, premier verset, place toute ta confiance en le vivant. Al-Hayy, Allah Azza wa Jal. Al-Hayy fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne meurt pas. Donc ici, il ramène la preuve que la mort, on nie cet attribut-là pour le Créateur. Parce que c'est un attribut d'imperfection. La mort, on nie cela pour le Créateur. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى » Traduction relative du verset « Dans un livre, mon Seigneur ne s'égare ni et ne n'oublie pas. » Donc on voit qu'Allah Jalla wa Ala, il est nié pour lui « Sifat an-nisyan » l'attribut de l'oubli, par exemple. Dans un autre verset de traduction relative, parmi les versets qu'on a lus, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Il n'y a rien qui puisse réduire Allah à l'impuissance, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Sifat al-ajz. Al-ajz, c'est l'impuissance, l'incapacité. Et Allah nous dit, il n'y a rien qui peut réduire Allah Jalla wa Ala à l'incapacité. Dans un autre verset, Allah dit, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Pense-t-il que nous n'entendrons pas ce qu'ils font en secret et ce qu'ils disent. Bien au contraire, nos messagers sont auprès d'eux, inscrivant tout. Donc, Allah nous dit, est-ce qu'ils pensent qu'ils pourront dire des choses en secret? Pensent-ils que nous n'entendrons pas ce qu'ils font et disent en secret? Allah dit, Jalla wa Ala, entend tout. Pour ça, dans un hadith qu'a mentionné l'auteur ensuite, il dit, le prophète Hassan a dit, à propos de l'antéchrist, l'antéchrist est borgne, alors que votre Seigneur ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le fait d'être borgne, c'est une imperfection. Et on voit que c'est une preuve parce qu'Allah, Jalla wa Ala, lui détient Al-Kamal. Sifat Al-Kamal. Lui, Allah, subhanahu wa ta'ala, il détient la perfection. Et également, dans un récit, il dit également aux gens, retenez-vous car vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Aux gens, retenez-vous, car celui que vous invoquez n'est ni sourd ni absent. C'est-à-dire Allah Jalla wa Ala entend tout. Et Allah est présent, subhanahu wa ta'ala, est proche de ses serviteurs. Allah exalte-t-il, exalté soit-il, inflige une punition à ceux qui lui ont attribué l'imperfection. Il va prouver cela, cheikh, en mentionnant le fait que Allah a imposé une punition, infligé une punition à ceux qui lui ont attribué l'imperfection. Tel qu'il est mentionné dans le verset, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَى. Dans le verset qu'on a cité déjà précédemment lorsqu'on a lu le texte, où Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset, une traduction relative, certes, les Yéhoud ont dit, les mains d'Allah sont fermées. Que leurs propres mains soient fermées et qu'ils soient maudits à cause de leurs paroles, bien au contraire, les mains d'Allah sont largement ouvertes et Allah accorde ses dons comme il le veut. Pourquoi? Parce que ça, le fait de dire que les mains d'Allah sont fermées, c'est attribuer l'imperfection au Créateur subhanahu wa ta'ala. Alors que celui-ci, on est en train de prouver dans l'étude de ce chapitre qu'Allah détient et le détenteur des attributs de perfection. Il détient la perfection absolue, subhanahu wa ta'ala. Regardez dans un autre verset où Allah nous dit, dans un autre passage du Coran, Allah a entendu, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءَ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Regardez, ils ont attribué la pauvreté au Créateur, ce qui est une imperfection. Alors Allah dit « Allah a entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Nous consignons leurs paroles par écrit ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes. Nous leur dirons « Goûtez au châtiment de la fournaise ». On voit à travers ces versets que Allah Jalla wa Ala menace de punition ceux qui lui ont attribué l'imperfection. Donc il est strictement interdit d'attribuer l'imperfection. Donc l'auteur ici n'aurait pas pu mieux exprimer l'interdiction d'affirmer ou d'attribuer l'imperfection au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ces versets sont clairs sur le fait qu'il est interdit d'attribuer au Créateur subhanahu wa ta'ala toute forme d'imperfection. Pourquoi? Puisqu'on a appris dans cette règle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient les attributs de perfection. Tous ses attributs. Kul sifat hiya sifat kamal, sifatullah hiya sifat kamal. Tous les attributs d'Allah sont des attributs de perfection. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, exempt de tout ce qui lui attribue, paix aux messagers, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Le verset est très clair aussi. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, exempt de ce qu'il lui attribue. Donc Allah nous enseigne que des peuples lui ont attribué des choses interdites à lui attribuer. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit « Mattakhad Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun » Allah dans un autre verset dit « Allah n'a pas pris de fils, il n'y a pas de divinité avec lui. S'il en était autrement, chaque divinité se targuerait de ce qu'elle aurait créé. » Et les unes seraient plus élevées que les autres. Gloire à Allah au-dessus de ce qu'ils inventent. Au-dessus de ce qu'ils inventent. Regardez ce que va dire ensuite. Donc là, on a lu les preuves. Des preuves aussi concernant le fait de l'interdiction de lui attribuer l'imperfection. Ensuite, regardez ce que l'auteur dit. On continue sur cette règle. Il dit... وإذا كانت الصفات كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا ولابد من التفصيل فتجوز في حال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ولأنها إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله وأشد أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقوله إن المتقين يخادعون الله وهو خادعهم وقوله تعالى وقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فقال فأمكن منهم ولم يقل فخاناهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقا وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. Donc là on a fini la lecture de la première règle. Donc on a conclu en arabe, j'ai terminé jusqu'à la fin de la lecture de la première règle. On va prendre la traduction de la fin. Donc l'auteur ensuite, après qu'il nous ait mentionné les preuves qu'on a lues précédemment concernant la nature innée. Alors ensuite il dit, si l'attribut est tenu pour parfait dans certaines conditions et en d'autres pour imparfait, on ne peut lui conférer ni l'en dépouiller de manière absolue. De manière absolue. Il dit, il est nécessaire d'apporter des précisions. Donc regardez, l'auteur ici, il parle. Il dit, إِذَا كَانَتْ صِفَاتْ كَمَالًا فِي حَالٍ. Par contre, il y a des attributs qui peuvent, selon un certain aspect, une considération, être parfaits. Et selon d'autres aspects, considérations, en d'autres situations, imparfaits. لَمْ تَكُنْ جَائِزَةً فِي حَقِّ اللَّهِ وَلَا مُمْتَنِعَةً عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقِ. Cheikh, il dit, l'auteur, il dit ici, on ne peut lui conférer ni l'en dépouiller de manière absolue. il est nécessaire d'apporter des précisions. Un sifat, l'attribut, peut lui être donné dans le cas où il est parfait, et on refuse de lui conférer dans le cas où il s'avère imparfait. Dans le cas où il s'avère imparfait. Et il en est ainsi d'attributs comme, par exemple, le complot. Donc là, je vous traduis littéralement, ensuite on expliquera, Inch'Allah. L'attribut du complot, par exemple, de la ruse, de la supercherie, et ainsi de suite. Ces attributs sont parfaits lorsqu'ils sont opposés à ceux qui en font eux-mêmes usage. Donc ces attributs-là sont considérés parfaits selon un aspect et une considération. Quand, par exemple, l'opposé en font eux-mêmes usage. Car dans telles circonstances, il signifie que l'auteur de l'action découlant de ses attributs est capable de s'opposer à son adou, son ennemi, en lui rendant l'appareil, voire davantage. Ces attributs sont cependant imparfaits dans des circonstances différentes de celles-ci. C'est pour cela qu'Allah ne les mentionne pas comme participant de ses attributs de manière absolue. Il les mentionne seulement quand il les oppose à ceux qui en font usage envers lui-même et ses messagers. Vous avez compris ? On est en train de parler de l'attribut, par exemple, de la ruse, du makr, du complot, de l'attribut de le makr, ou al-kaid, ou al-istihza, de la raillerie et autres. De la supercherie aussi et autres. On parle de ces attributs-là. On les attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala de manière absolue. C'est pour ça qu'Allah dit dans le verset وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ. Dans le verset, Allah dit « Ils complotèrent et Allah complota. » Et Allah est le meilleur des comploteurs. C'est-à-dire qu'Allah a comploté lorsque eux, ils ont comploté. Pourquoi ? Parce que celui dont on complote à son insu et qui ne peut pas comploter lui-même, ça c'est une imperfection. Mais dans la considération, dans les circonstances où on complote contre lui et lui peut comploter contre eux lorsque eux complotent, ça c'est la perfection. C'est l'aspect lié à la perfection. Dans un verset, Allah dit « Et ils se mirent à ruser et je me mis à ruser ». Dans le verset « Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida ». Eux, ils se sont mis à ruser, Allah dit, et je me suis mis à ruser. Ils ont rusé, Allah a rusé. Ça, on l'affirme pas, on n'attribue pas de manière absolue au Créateur en disant qu'il ruse, mais on dit qu'il ruse lorsque ses opposants rusent. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ. Ils ont rusé, Allah a rusé. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ. Et Allah est le meilleur des makarines. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Dans un autre verset, Allah dit, quant à ceux qui ont traité nos signes de mensonges, nous allons les mener à leur perte petit à petit sans qu'ils sachent d'où cela peut provenir. Je leur accorderai un délai car ma ruse est inébranlable. Là, إن كيدي متين, elle est liée. Elle est liée, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Dans un autre verset, Allah Jalla wa'ala, en nous informant au sujet des hypocrites, il dit, certes, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهِ. Donc là, c'est le fait, al-khida', yukhadi'un Allah, il cherche à tromper Allah, mais Allah dit que c'est lui qui les trompe. Donc, cet attribut-là, on l'affirme, lorsque eux veulent tromper Allah, Allah les trompe, d'une manière liée. Dans un autre verset, il est dit, et ils ont dit, nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Et dans un autre verset, s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont trahi Allah auparavant. Allah vous a donné tout pouvoir sur eux. Allah est omniscient et infiniment sage. On remarque qu'il dit « Fa'amkana minhum » et il vous a donné tout pouvoir sur eux. il ne dit pas, il les a trahis. Puisqu'il faut observer le début du verset. وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Lorsque c'est la trahison, Allah dit, s'ils veulent te trahir. وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. Regardez bien, observez bien et remarquez bien le verset. S'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont trahi Allah auparavant. Allah s'adresse au prophète en disant, s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont trahi Allah auparavant. Mais Allah ne va pas dire à ce moment-là, et moi je l'ai trahi. Il ne va pas dire cela. Il va dire, Allah vous a donné, fa'amkana minhum, al-imkan, minhum, deux. Mais il ne va pas dire que lui aussi les a trahis. Mais ne dis pas ça. Allah dit, s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont trahi Allah auparavant. Et Allah, ensuite il dit, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Allah est omniscient et infiniment sage. C'est pour ça que le shir dit, regardez, Allah dit, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ en arabe. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, au lieu de répéter le verbe trahir, là il a dit فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ. Il ne dit pas il les a trahis, car la trahison c'est la perfidie qui porte atteinte à la confiance, et c'est un attribut absolument blâmable. Il n'y a pas de perfection selon un aspect ou selon une considération. Tout le sens du terme, il est imparfait, en quelque sorte. Vous comprenez? Pour ça, la trahison, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas attribué cela. Ce qu'on appelle en arabe, al-khiyana. Al-khiyana, il ne s'est pas attribué cela. On peut dès lors conclure que le propos de certains individus, certains, ils ont une expression qui disent, il y a une expression en arabe qui disent, qui répète souvent, comme le dit l'auteur, une expression chez les gens de la masse, et dit Khan Allahu man yakhun. En arabe, ça veut dire Khan Allahu man yakhun, a trahi, Allah a trahi celui qui trahit. Allah trahit celui qui trahit. C'est une expression chez les Rawam. Khan Allahu man yakhun. Si tu trahis, Allah trahit. Allah trahit celui qui trahit. Il dit, cette parole est munkar. Cette parole est fahish. C'est une parole qui est déplacée, une parole qui est mauvaise, une parole à ne pas dire. Pourquoi? Parce que le khiyana, en aucun cas, on attribue la trahison au créateur subhanahu wa ta'ala. Yajibu nahi anhu. Et donc ça, c'est interdit. Et donc ça, le fait d'attribuer la trahison au créateur subhanahu wa ta'ala, cela est interdit. Pour ça, il dit, on peut dès lors conclure que la parole de certains individus, les gens de la masse, lorsqu'ils disent « Allah trahit ceux qui trahissent » est abominable et indécent. Il convient d'interdire cet usage. Dans l'explication, donc, Cheikh, il dit, donc comme on l'a dit précédemment, en ce qui concerne l'attribut de la trahison, pourquoi? Parce que c'est trahir la confiance. Et donc ça, dans tous les cas, comme l'auteur l'a bien stipulé, c'est blâmable. Car la trahison, c'est la perfidie qui porte atteinte à la confiance. Qala, dans l'annotation, Shir, à cela, donc maintenant on a lu tout, alhamdoulilah, on a lu tout le texte. Ça c'est la première règle, elle était un peu longue. Vous avez vu la première règle concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal de perfection, elle était un peu longue. Mais alhamdoulilah, on a lu toute la règle, inshallah. Et donc la prochaine fois, inshallah, on commencera une deuxième règle si Allah nous le permet. Dans cette règle, qu'est-ce qu'on a appris? Que tous les attributs d'Allah sont des attributs de perfection. Et qu'est-ce qui prouve cela? On a dit les textes, les preuves scripturaires et textuelles. On a dit « al-aql », la raison et la naturidée. la prédisposition humaine, ce qu'on appelle al-fitra, prouve cela. Shin dit, فَصَارَ مَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعْلَى بِهِ عَلَى أَقْسَمٍ ثَلَاثًا. Donc, si maintenant on fait le résumé, et dans ces annotations, maintenant on va prendre quelques annotations, rapidement, si on fait le résumé maintenant pour essayer de mieux comprendre ce texte, le texte qu'a écrit l'auteur, puisque c'est ce qu'on a lu là, c'est ce qu'il a écrit de sa plume, pour mieux comprendre ensuite, dans l'explication, il dit, alors on comprend que les descriptifs sont différentes catégories. Maintenant on résume. Maintenant pour résumer ce qu'on a appris, il y a une belle faïda, il dit on comprend que les descriptifs sont différentes catégories. Il va citer trois catégories de descriptifs. Ma la yajuz an yusafa bihi mutlaqan, première catégorie, des descriptifs où il est interdit, de manière absolue, de les attribuer au Créateur. De décrire Allah subhanahu wa ta'ala, de décrire le Créateur par ces descriptifs-là. Deuxièmement, deuxième catégorie, ma yajuzu an yusafa bihi mutlaqan. Deuxièmement, ce dont il est permis d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala comme descriptif de manière absolue. Donc, contrairement au premier cas, la première catégorie de descriptif, ce sont les descriptifs dont il est interdit d'attribuer Allah azza wa jal de manière absolue. Il faut bien retenir, de manière absolue, quand on traduit de manière littérale le terme mutlaqan, de manière absolue. Deuxièmement, donc deuxième catégorie de descriptif, dont il est permis d'attribuer Allah azza wa jal, qu'on attribue Allah azza wa jal, et cela de manière absolue. Troisième catégorie, ma fi tafsil, des descriptifs où il y a nuance, détail, on détaille. Premier, interdiction d'attribuer Allah Azza wa Jal de manière absolue. Deuxième, permis d'attribuer Allah Azza wa Jal et cela de manière absolue. Troisième, on doit détailler. La troisième, on doit détailler. Donc ça, c'est un très beau résumé de ce qu'on a appris dans ce chapitre, dans cette règle. Et donc, retenez bien ça, puisque ça, c'est la règle générale. Ensuite, elle est détaillée, et ça, à chaque fois, on va vous approfondissez. C'est ça, la quête de savoir, c'est de s'approfondir ensuite pour avoir tous les tenants, les aboutissants, les nuances de tout cela. Mais pour expliquer brièvement, Cheikh dit, en ce qui concerne la première catégorie de ce qui n'est pas permis d'attribuer au Créateur de manière absolue, il dit, فَهُوَ كُلُّ مَا لَا يَلِقُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ عَلَى سَبِيلِ الْإِطْلَاقَ. Il dit, tout simplement, c'est tout ce qui ne convient pas à attribuer au Créateur. Tout ce qui ne convient pas et ce qui ne sied pas à Allah subhanahu wa ta'ala « ala sabili al-itlaq » et cela de manière absolue. « Mithal » exemple. Comme on l'a dit précédemment, « mith al-khiyana » comme la trahison. Ça, de manière absolue, en aucun cas, on peut l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si, par exemple, personne dit si. Il peut trahir lorsque les autres trahissent. Lorsque les autres le trahissent, il trahit. Non. Même comme cela, même lorsque c'est conditionné, c'est lié, on ne le dit pas. Pourquoi ? Parce que al-khiyana, la trahison, selon tous ses aspects, c'est quelque chose qui dénote une imperfection. Par exemple, il dit, chez les Awam, chez beaucoup de gens de la masse, ils ont cette habitude, comme on l'a dit précédemment, de dire cela. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, par exemple, je vais te faire confiance, mais ne me trahis pas. Beaucoup de gens disent, par exemple, je vais te faire confiance, mais ne me trahis pas. Qal abadan, la personne va lui répondre, jamais. Si je te trompe, alors qu'Allah, pardon, si je te trahis, alors qu'Allah me trahisse. Vous avez vu? Ça, c'est une expression qui est courante. En fait, ici, Cheikh, il nous explique le contexte. Pourquoi beaucoup de gens de la masse, dans cette expression en arabe, beaucoup d'arabes ont l'habitude de dire cela, c'est dans ce contexte. Par exemple, la personne veut lui faire confiance et lui, pour faire montrer qu'il est de confiance, la personne lui dit, je te fais confiance, mais ne me trahis pas. Il dit, abadan, jamais. Si je te trahis, qu'Allah me trahisse. Ça, on ne le dit pas. Parce que quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, Allah, on ne lui attribue pas la trahison. C'est un attribut, un descriptif d'imperfection de manière absolue. Donc là, on est dans la catégorie des absolus. Voilà. Ça ne convient pas. Et si pas la majesté du Créateur subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَجُوزَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَائِنٌ حَتَّى فِي مَنْ خَانَ اللَّهُ لَا يَجُوزَ أَنْ نَقُولَ إِنَّ اللَّهَ يَخُونُ. Par contre, on a dit que par exemple pour Al-Qaïd ou Al-Makr ou Al-Khida, on dit par exemple d'autres attributs qui peuvent, en certains aspects, sous-entendre une imperfection et d'autres aspects sous-entendre une perfection. Allah ruse lorsqu'il ruse. C'est conditionné, comme on va le voir dans ce qui va suivre. Allah complote lorsque eux complotent. Allah se moque lorsque eux se moquent. C'est conditionné. On ne le dit pas d'une manière absolue, mais conditionné, comme on va le voir. Donc là, est-ce qu'il est permis de dire Allah trahit lorsque eux trahissent? On conditionne. On pourrait dire Allah trahit lorsque eux trahissent. Non. La réponse est non. Même comme ça, conditionné, non. Pourquoi? Parce que là, on est dans la catégorie des absolus. De manière absolue, on ne dit pas, par contre, si eux trahissent, Allah trahit. Non. Là. Et Cheikh, il explique cela, il dit, وَأَنَّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَخُونُ إِنَّ اللَّهَ خَيْنَ حَتَّى فِي مَنْ خَانَ اللَّهُ لَا يَجُوزَ أَنَّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَخُونُ. Même ceux qui trahissent le Créateur, subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est trahi. On ne dit pas cela, on n'attribue pas cela. وَقُلُ بَعْدِ الْعَوَامِ خَانَ اللَّهُ مَنْ يَخُونَ غَلَطٌ كَبِيرٌ. Et c'est pour ça qu'il dit la parole de beaucoup de gens de la masse lorsqu'il dit Allah trahit ceux qui trahissent. Ils ont notre parole qui dit Allah trahit ceux qui trahissent. Ça, il dit, c'est une erreur grave. Il dit, c'est une grande erreur le fait de dire ça. On n'attribue pas cela au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit وَأَمَّا مَا يَجُوزَ أَنْ يُوصَفَ بِهِ مُتْلَقًا. Maintenant, la deuxième catégorie. Ce qui permet d'attribuer, ce qui est permis d'attribuer comme descriptif et attribut au Créateur de manière absolue. لِأَنَّهُ, alors il dit لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ نَقْصًا لَكِنْ لَا يُسَمَّ بِهِ تَعَالَ مِثْلَ الْمُتَكَلِّمُ وَالْمُرِيدُ وَالْفَعَالِ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَجْبَهَ ذَلِكَ. Alors ça, ce sont des attributs, ce sont des attributs dont Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas nommé. Sont des attributs dont Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, ne s'est pas forcément nommé par le nom lié à l'attribut. Mais ces attributs-là ne sous-entendent en aucun cas une imperfection. Il n'y a pas de naqs. Ces attributs-là, la naqsan, elles induisent et sous-entendent aucune imperfection. Aucune imperfection. Donc même si Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas nommé par le nom lié d'où découle cet attribut, malgré tout, on peut l'attribuer au Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que comme on le verra dans l'autre règle, on va parler, la règle suivante, ça sera sur le fait que le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. Donc l'auteur va bien détailler cela dans la règle prochaine. Dans la règle prochaine. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dénotent, induisent un attribut. Induisent un attribut. Ces attributs-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi? Parce que il y a le nom qu'Allah Jalla wa ala s'est attribué. Il s'est nommé par le nom. Al-Qadir, Al-Alim, Al-Matin, Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar. Donc tous ces noms-là, sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, induisent un nom et dénotent un attribut, pardon. Dénotent un attribut. Par contre, parfois, on a un attribut, on n'a pas le nom. À titre d'exemple, comme il dit, Al-Mutakallim, celui qui parle. Al-Murid, celui qui veut. Al-Fa'al, lima yurid, celui qui fait ce qu'il désire, ce qu'il veut. On n'a pas le nom. Al-Mutakallim, Fa'al, lima yurid, Al-Murid. Alors, وَمَا أَجْبَهَ ذَلِكَ وَمَا أَجْبَهَ ذَلِكَ فَهَذِي يُوصَفُ اللَّهُ بِهَا عَلَى إِطْلَاقِ. Par contre, de manière absolue, on peut informer au sujet d'Allah Azzawajal. Au sujet d'Allah. Par exemple, on a le droit de dire de manière absolue, sans que ça soit, lorsqu'on dit de manière absolue, sans que ça soit conditionné, sans que ça soit lié à quelque chose d'autre, de dire qu'Allah il est mutakallim. d'informer au sujet du Créateur qu'il parle. Allah, il a aussi l'attribut de la volonté. Allah, il est mourid. Il veut. Lorsqu'il décide une chose, elle est. Lorsqu'il veut une chose, elle se réalise. Elle est. Subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, ça, on peut informer au sujet d'Allah de manière absolue. فَهَدِهِ يُوصَفُ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ لِيَنَّ لَيْسَ فِيَ نَقْصِ وَلَا يَصِحُ أَنْ يُقَالَ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ لِيَنَّ هَذَا مَأْخُوذُ مِنْ إِسْمِهِ الْعَلِيمُ وَالْحَكِيمُ فَهِيَ ثَابِتَةٌ لَهُ بِالْإِسْمِ لَا بِالصِّفَاتِ. Et la différence est dit, pourquoi il n'a pas cité d'autres attributs comme al-ilm, l'attribut de la science, du savoir, ou al-hikma, l'attribut de la sagesse? Il dit, on n'aime pas, on les a pas recensés dans cette catégorie. Pourquoi? Parce qu'il dit, celles-ci, ces attributs-là, ceci, ma'khudun min ismi al-alim wal-hakim, eux sont tirés du nom, comme on l'a cité précédemment. Ils sont directement tirés du nom. Al-alim, l'omniscient, traduction relative, hein, c'est souvent traduit comme ça. Il y a donc l'attribut, sous-entend l'attribut de al-ilm, la science. Donc ces attributs-là, al-ilm, wal-hikma, wal-qudra, ces attributs-là, ils sont tirés directement du nom. Du nom. C'est pour ça qu'il était important d'apprendre les règles concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit de cette considération, فَيَا ثَابِتَةٌ لَهُ بِالْإِسْمِ. Donc, ces attributs-là, ces descriptifs-là, ils sont confirmés par rapport à quoi? Par rapport au nom. Ces descriptifs-là, ils sont confirmés par rapport au nom. La bi-sifat, pas par rapport à l'attribut. Pas par rapport à l'attribut, mais ils sont confirmés. Thabitatun lahu bil-ism. Donc, par le nom, ils sont confirmés. Il nous reste la troisième catégorie. Amma ma fi tafsil. La troisième catégorie où il y a détail. On détaille là. Amma ma fihi tafsilun. Fahuwa ma yusafu bihi haythu yakunu kamalan. Wa la yusafu bihi haythu yakunu naqsan. Les autres, où là il faut détailler, c'est nuancé. Pourquoi? Parce que selon certains aspects, ces descriptifs-là peuvent sous-entendre une imperfection. Et selon d'autres circonstances, peuvent sous-entendre la perfection. La perfection. Alors il dit, حَيْثُ يَكُونُ كَمَلٌ وَلَا يُصَفُ بِهِ حَيْثُ يَكُونُ نَقْصًا. Donc Allah Jalla wa'ala, ces descriptifs-là, on peut lui attribuer dans les circonstances lorsque dénote la perfection. Dénote la perfection. Et pas lorsqu'ils peuvent dénoter l'imperfection. مِثْلَ Al-Khidar, comme par exemple la ruse. Ou Al-Khidar, pardon, Al-Khidar, la tromperie. فَلَا يَجُوزْ أَنَّقُولْ إِنَّ اللَّهَ خَادِعُونَ عَلَى وَجْءَ الْإِطْلَاقِ. On ne peut pas dire d'une manière absolue qu'Allah est khadi'a. Mais Allah, lorsque eux يُخَادِعُونَ Allah, فَهُوَ خَادِعُهُمْ. Lorsque ils veulent tromper Allah, Allah les trompe. C'est dans ce sens-là. Lorsqu'on veut tromper Allah, Allah les trompe. Et le fait de pouvoir tromper lorsqu'on nous trompe, c'est une perfection de cette considération-là. C'est une perfection de cette considération-là. Et d'akan al-khida yadullu ala al-quwwati wa-sulta wa-al-ghalaba jaza'an yusafu Allahu bihi. Pourquoi? Une personne pourrait dire, comment ça? Selon une considération, c'est une perfection. Comment ça? Lorsqu'il trompe, il trompe. Comment ça? Il y a une perfection selon une certaine considération. Naram, les grands savants disent que lorsqu'ils essayent de tromper, Allah les trompe. Dans le sens que pour pouvoir tromper, il faut avoir l'autorité, ou al-quwwa, la capacité, la force de pouvoir. Et de cette et wal-ghalaba, et le fait de vaincre et dominer. Et de cette considération-là, on ne peut tromper que si on détient la domination, ou al-ghalaba, ou al-quwwa, la force de pouvoir le faire. Et de cette considération-là, c'est une perfection. Pourquoi? Parce que celui qui ne pourrait pas, Le faire, ça, c'est l'imperfection. C'est l'imperfection. Et donc, ça, c'est valable. An yakuna fi muqabil man yakhda. Sauf que c'est lié. Pourquoi on dit que c'est conditionné? Allah les trompe lorsque eux trompent. Sinon, d'une manière générale, dire qu'ils trompent, on ne le dit pas. On ne décrit pas le créateur et on n'attribue pas cela au créateur. Subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, al-makr, la ruse. La supercherie, par exemple. Le fait de se moquer. Ça, on ne peut pas dire d'une manière générale, Allah yamkur, Allah ruse. On ne décrit pas Allah azza wa jal de manière absolue, comme cela. Par contre, lorsqu'on ruse contre lui, Allah ruse. Parce que la question, ça serait, lorsqu'on ruse contre Allah azza wa jal, est-ce que Allah peut ruser? Si on dit Allah ne peut pas ruser, subhanahu wa ta'ala, le créateur exalté, glorifié soit-il, ça dénote quoi? L'imperfection. Lorsqu'il ruse, si le créateur ne peut pas ruser, ça dénote l'imperfection. Alors, la perfection, dans cette situation et cette circonstance-là, c'est que le créateur puisse ruser. Mais c'est conditionné. Lorsqu'on ruse contre lui, Allah ruse. Sinon, de manière absolue, on ne dit pas « kadayum kur ». « Wa makaru wa makarallah »« Wallahu khayrul makarin » Si quelqu'un vient, dit non. Tu ne peux pas affirmer le makr pour Allah. Il te dit, tu peux pas. Tu dis qu'Allah ruse. Mais tu lui dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Lorsqu'on parle avec des négateurs des attributs, on a dit que c'est nous qui inventons des attributs. Les attributs ne sont pas inventés. C'est Allah Azzawajal qui l'a dit. Vous ne faites que, on ne fait que répéter les textes. Les grands savants depuis les premières générations ne font que répéter les textes. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khayrul makirin. Alors on se dit, oui, mais le sens n'est pas ça. Le sens est clair. Allah a révélé, puisque certains disent que il y a des sens secrets dans le Coran, cachés, incompréhensibles, une langue que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Il y a des sens cachés et secrets. Or, Allah Azza wa Jal dit qu'il a descendu le Coran d'une langue arabe évidente et explicite. Qur'anan arabiyan. Donc c'est une langue claire et explicite. Il y a des versets, deux sortes de versets. Il y a des versets qui sont clairs, et c'est Ummul Kitab. Et ce sont les versets qui sont mère du livre. Et des versets qui peuvent porter à confusion, qu'il faut faire revenir aux versets clairs. Donc, les versets, beaucoup de versets sont clairs. Le Coran est descendu d'une langue claire et évidente, que toute personne qui comprend l'arabe peut comprendre. Sauf ensuite, bien sûr, il y a des versets où il y a interprétation, mais dans le domaine des attributs, il n'y a pas d'interprétation à faire. Les versets sont clairs. Les versets liés aux attributs du Créateur, subhanahu wa ta'ala, sont clairs. Allah dit « wa makaru wa makarallah ». Et ils ont rusé et Allah a rusé. Et Allah est le meilleur des makirin, des ruseurs. Donne traduction approximative et relative. Donc, ce n'est pas inventé, c'est le verset qui le dit. Par contre, ce n'est pas attribué à Allah ce matin de manière absolue, mais c'est conditionné. Lorsqu'ils font, il fait subhanahu wa ta'ala. On va terminer cela. Ensuite, subhanallah, l'auteur a cité un hadith ajib. On va conclure sur le hadith et on continuera cela demain. C'est pour ça que j'avance un peu parce que je voulais arriver au moins à la mention du récit. L'auteur va mentionner un hadith. Parce que là, il va parler d'un attribut. L'attribut de l'hésitation. L'attribut de l'hésitation. Un attribut que lorsqu'on entend le terme hésitation, pour nous, qu'est-ce que l'hésitation? Ce sens de l'hésitation, bien sûr, n'est pas à attribuer au Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais l'auteur va dire masala. Il va dire question. Il va citer le hadith Al-Qudsi, divin, que je vous dis en arabe. Ensuite, je vous lis une traduction relative. Ma wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'ilu, ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min yakrahu al-maut wa akrahu isa'ata wa la budda lahu min. السؤال فهل تثبت صفة التردد لله عز وجل؟ Alors, dans ce hadith divin, regardez, une traduction relative du récit, il est dit, et c'est la fin d'un long hadith célèbre. C'est la fin du hadith « Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb » ce hadith célèbre. Et à la fin, il est dit dans le récit que le prophète a dit, qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِ عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَكْرَهُ إِسَاءَتَهُ وَلَبُدَّ لَهُ مِنْ Une traduction relative. Et rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant. Car celui-ci répugne à mourir et moi je répugne à lui faire du mal. C'est un hadith immense. On prendra l'explication de ce hadith dans prochaine assise. Et là, Cheikh, il va expliquer. Mais bon, pour ne pas se quitter sur une ambiguïté, très rapidement, il dit que at-taraddud, il y a deux genres. Il y a deux genres de taraddud. Il y a un taraddud qui est, vous avez vu, pour les êtres humains, on est en hésitation quand on veut choisir une chose, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un intérêt dans cette chose? Et on ne sait pas la aqiba, les conséquences de cette chose. Donc, on est hésitant. Ça, c'est en ce qui concerne l'être humain. L'hésitation de l'être humain, c'est ça. C'est qu'il désire faire une chose, mais lui ne sait pas. Est-ce qu'il y a un intérêt dans cette chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt? Est-ce que c'est un bien pour lui ou non? Est-ce que les conséquences, les finalités de cette chose, est-ce que elles seront bonnes ou bien elles seront mauvaises? Il ne sait pas. Il est donc dans une situation d'hésitation. Ça, c'est pour l'être humain. Ça, c'est un genre d'hésitation. Par contre, ça, ce sens-là, est-ce qu'on peut l'attribuer au Créateur? Abadan. Non. Ça, on ne peut pas l'attribuer au Créateur. Ce sens de l'hésitation, c'est mumtania, comme on dit. On ne peut pas l'attribuer et décrire Allah, subhanahu wa ta'ala, par cela. Par contre, il y a un deuxième sens d'hésitation, c'est lorsque c'est lié à autrui. Lorsque c'est lié à autrui, aux autres. لِأَنَّهُ لَا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا يُحْزِنُهُمْ أَوْ يَكْرَهُونَهُ وَلَكِنْ لَبُدَّ مِنْهُ أَعْنِ الْمَوْتِ C'est-à-dire ici, c'est dans le sens que Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il ne veut pas faire une chose qui attriste et qui est dur pour ses serviteurs. Qu'il ne veut pas faire une chose qui attriste et qui est dur pour ses serviteurs, mais cette chose-là est inévitable. Al-Maut, la mort. Vous avez vu le sens? Mais comme c'est la mort, c'est ici dans le récit, Allah Jalla wa Ala nous apprend, c'est pour ça que c'est un hadith qui est immense, une nouvelle immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, à la base, faire une chose qui attriste et qui est dure pour ses serviteurs. Mais cette chose-là, la mort, est inévitable. Pourquoi? Parce que dans le récit, Allah dit, alors que celui-ci répugne à mourir, l'homme répugne à mourir. La mort, il va quitter tous ses proches, il va quitter sa vie, il va quitter ses bien-aimés. Je vous ai vu un petit voyage. La personne, il part quelques jours, il a un voyage de déplacement, il part une semaine, c'est dur. Il doit préparer ses bagages, il va partir, et il est dit que dans un hadith, le prophète dit, le voyage, c'est une part de châtiment. Il faut qu'il voyage, etc. Il dit au revoir, il pense qu'il va revenir, il peut ne jamais revenir. À l'époque, les gens se faisaient les adieux, c'est dur. Sauf que, El Maut, tu ne reviendras pas, c'est sûr. El Maut, la mort, tu ne reviendras pas. L'être humain répugne de quitter tous ses biens, son confort, ses habitudes, ses bien-aimés, ses bien-aimés, sa famille, ses enfants, il va tout quitter. Il a ce souci, comment je vais laisser mes enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Son épouse, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, il répugne. Et Allah, regardez ce qu'il dit. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que prendre l'âme du croyant. Car celui-ci répugne à mourir, et moi je répugne à lui faire du mal. Allah répugne, donc vous avez vu là, l'immense hadith, Allah répugne à faire du mal à son serviteur. Ici vous voyez bien que le sens n'est pas le fait de ne pas connaître la finalité. En aucun cas, il y a le sens ici, quand il est dit « j'ai hésité », c'est pas dans le sens « Allah ne connaît pas la finalité de la chose, de la mort ». Connaît pas l'intérêt de la chose. Ça, c'est le sens pour les êtres humains. Ils hésitent sur une chose parce qu'ils ne connaissent pas l'intérêt, la finalité. Qu'est-ce qui découlera de cette chose? Qu'est-ce qui se produira si je fais tel et tel choix? Comprenez? Mais on discutera plus en détail de ça. Je vous ai expliqué avant de partir pour pas qu'on se quitte sur une ambiguïté. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum. Dans tous les cas, alhamdulillah, demain on pourra commencer la deuxième règle. Après éclaircissement du récit, on pourra commencer puisqu'on a fini la première règle. Alhamdulillah, c'est pour ça qu'on a retardé un peu pour finir la première règle avancée. Wa barakallahu fikum.